Une idée fausse. Cette idée est la suivante. Le monde est tellement vaste qu'on ne peut pas affecter durablement l'environnement. Ça a peut-être été vrai, mais ça ne l'est plus. Et l'une des raisons pour lesquelles ce n'est plus vrai est que l'un des éléments les plus vulnérables de l'écosystème est l'atmosphère. C'est notre seule maison. Et c'est cela qui est en jeu. La possibilité de vivre sur la planète Terre. À l'heure où l'homme de nos villes étudie les problèmes physiques, mathématiques de la mise en orbite de nouveaux satellites, délaissant indécemment son environnement, détruisant la faune, la flore et tous ses océans. Avec ses 30 milliards de tonnes de gaz carbonique annuel, combien d'industriels réagissent à ce problème réel? L'ozone, est-ce une couche protectrice ou une crampe plébéante couverte de cicatrices? Parlons des merdes que l'on déverse dans les rivières, les mers sous les aspects les plus divers que l'on tolère. Doit-on fermer les paupières? Je garde les yeux ouverts et ouverts sur l'avenir qui dégénère, qui empire. L'homme, j'en suis persuadé, finira par se détruire. Combien de gens se sentent concernés et prêts à réagir? Prends conscience que ton environnement change et que l'on s'arrange pour nous cacher ce qui dérange. Prends conscience que ton environnement change et que l'on s'arrange pour nous cacher ce qui dérange. De plus en plus de comportements étranges s'amissent sur le triple 6 de l'Europe jusqu'au rive du Gange. Prends conscience que ton environnement change et que l'on s'arrange pour nous cacher ce qui dérange. Il nous reste peu de temps pour donner le change avant que la planète implose, le diable a soudoyé. Alors où l'objectif est d'éviter un second Tchernobyl, dont les retombées déciment encore dans les villes les populations civiles. On laisse encore en Bulgarie dans les vallées du Danube préparer un accident de la même amplitude. Je ne peux pas rester stoïque face à cette attitude. Tu ne peux pas laisser le vide devenir une habitude. Nous ne devons pas laisser nos fils vivre dans l'inquiétude. La fin du monde esquisse le chaos règne du nord au sud. Cela me fait de la peine de voir la terre dans cet état. Elle se détruit petit à petit, à combien montrons les dégâts? L'homme ne cesse d'évoluer mais pourtant ça cache ses forêts. À percer la couche d'ozone on pourrait avoir des regrets. Tout s'envole dans les airs et pollue les espaces verts, alors que la nature est sûrement notre bien le plus cher. Actuellement, certaines races sont en voie de disparition. Les sources et les baleines sont sur le peloton d'exécution. Le rythme des extinctions d'espèces est aujourd'hui mille fois plus élevé que par le passé. Prends conscience que ton environnement change et que l'on s'arrange pour nous cacher ce qui dérange. De plus en plus de comportements étranges s'amissent sur le triple 6 de l'Europe jusqu'au rive du Gange. Prends conscience que ton environnement change et que l'on s'arrange pour nous cacher ce qui dérange. Il nous reste peu de temps pour donner le change avant que la planète implose, le diable a soudoyé les anges. J'ai compris qu'on risquait vraiment de tout perdre. Tous ces biens que l'on considérait comme acquis ne seraient peut-être plus là pour nos enfants. Ce que l'on prend à la nature le reprend. Les adultes sont immatures, ça l'avenir de leurs enfants. Pas très optimiste, mais sûrement réaliste. La santé du globe s'aggrave et c'est ce qui m'attriste. Par-delà les mers riches et nourricières, les forêts équatoriales sont les mouvements de la terre que l'on abîme, les cimes tronçonnées suppriment. Le constat est alarmant et tout le monde fait mine que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Que la planète bleue est toujours aussi féconde. Il en est autrement de l'actuelle situation des zones pourtant fertiles rendues stériles où règne la désolation. Le danger ce n'est pas ce que l'on ignore, c'est ce que l'on tient pour certain et qu'il n'est pas. Nous sommes confrontés à des conséquences totalement inacceptables. Il y a des gens très bien, des politiques dans les deux parties qui préfèrent éviter la question. Car s'ils admettaient que le problème existe, l'obligation morale d'opérer des changements radicaux deviendrait incontournable. Les générations futures risquent fort de se poser la question. À quoi pensaient nos parents? Pourquoi ne se sont-ils pas réveillés quand il était encore temps? Cette question, nous devons l'entendre dès à présent.